Hey, Djibril, fais une petite intro là, tranquille. Je vais peut-être me la raconter, mais en secret tu m'as kiffé. Tu as aimé mes pages conscientes et mon pura de qualité. J'ai rappé pour l'Afrique, dénoncé les méfaits du pognon. Fais le deuil d'un être cher et là je repars en mission. Ok, ça c'était l'intro. Vas-y, balance du lourd maintenant. Fais-toi plaisir. Expression libre. Un stylo pour calibre, un micro et je vibre. Un flash, je suis ivre, une page, je me livre. Faut vivre notre jeunesse à 100%. De 009, on fait la teuf sur un banc, on refait le monde. Jusqu'à pas d'heure, tu peux nous comprendre. Même si t'as pas le décodeur, on fuit la réalité. Moi je bois, mes potes fument. Tu veux que je décrive le monde? Passe-moi une feuille et une plume. Dans ce business, je vise pas les thunes. Le rap, c'est ma liberté, je ne la vends pas. J'espère que tu m'as capté. Je balance mon rap gratuitement sur les ondes. Attends, je suis pas encore parti. Laisse-moi une petite seconde, gars. Tu veux que je parle de quoi? De l'État? Je l'ai déjà beaucoup fait, mais c'est pas grave. Je vais balancer un petit couplet. C'est Djibril ou MIC. Je reviens mettre tout le monde d'accord. Cette société pas en couille, donc la jeunesse devient hardcore. L'état des lieux m'attriste. C'est dur d'être optimiste, tête de liste aux élections sont tous capitalistes. Prends des risques en votant blanc, imagine Le Pen président. Pour l'instant c'est Sarkozy qui met la pression, oh, c'est franc. Je m'en branle de savoir qui c'est qu'a fourré Rachida Dati. Votre boulot c'est de pas faire de la promo pour Carla Bruni. Ainsi font les politiciens trop cons. Ainsi font et Fillon te la met dans le fion. Ouais, c'était pas mal poteau. Tu l'as déjà beaucoup fait, hein. Parle-nous d'un truc un peu plus perso. Quelque chose qui te touche un peu plus, quoi. Certains m'appellent le chétan à cause de mes origines. Mes juifs, mes musulmans, j'ai choqué plus d'une team. Je me sens aussi bien dans une mosquée qu'une synagogue. Je suis timide, donc si tu veux me parler, ouvre le dialogue. Tu m'as demandé de faire un truc un peu plus personnel. Je me sens citoyen du monde, mon blase est universel. Gabriel, Djibril, c'est la traduction de mon prénom. Je me sens croyant, mais je ne pratique pas de religion. Rapistiquement parlant, je suis pas dans les statistiques. Ma musique est mystique et mon style est unique. Je m'explique, j'ai la technique d'un démon et le prénom d'un ange. Le mélange, ça donne Djibril qui dérange. À 19 ans, dans ma tête, je suis encore adolescent. Bientôt la vingtaine, mais c'est le futur, parlons du présent. Pour l'instant, je veux pas grandir, j'ai le syndrome du Peter Pan. Tu me comprends, malgré mon âge, je veux faire du putain de rap conscient. Ouais, c'est cool, on voit plus quel genre de mec t'es. Mais maintenant, parle-nous du rap game, des rappeurs en général et de ta place dans le rap. Je m'en fous d'être le meilleur des rappeurs. Je veux juste faire passer un message aux auditeurs. Le rap game me fait peur, il incite à la violence. Moi je suis un mec peace et ça depuis ma naissance. Le rap français a bien changé. Si tu les écoutais, les rappeurs sont tous armés, ont tous dealé au braquet. Mais qu'est-ce que t'inculques aux jeunes? Que c'est fun d'avoir un gun, qu'avoir une mère c'est de la bonne. Et que c'est bien de canner un homme, ils ont le QI d'un âne. Ces mythomanes s'inventent une vie. Ces MC me font gonnerie, devraient faire de la comédie. Mais bon j'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, je suis déçu par tous ces MC blindés qui rappent tous la rue. Ok, toi tu démarques de tous les autres rappeurs qu'on a l'habitude d'entendre. C'est bien Djibril, continue, lâche pas le micro. Et sinon pour finir, tu dirais quoi? Ce morceau c'était une partie de moi, une partie de ma vie, une partie de ma vision des choses. Et je te jure que j'ai pas fini, ça annonce d'autres sons entre militants et conscients. Vu que t'es mon pote, tu vas continuer à m'entendre.